êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Maxime Tanguay nous fait découvrir un groupe de musique indie. On reçoit un des membres de Jardin Mécanique. Et on reçoit Michel Lebrun avec sa chronique juridique, judiciaire et justice masquée. Et Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à cette édition d'Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mardi 9 octobre 2012. Oui, la semaine courte, hein? Oui. Il y en a plus bien le reste de l'année, donc c'est pas mal la dernière fois. C'est pas mal la seule de 2012. Ouais, mettons. Donc, j'espère que vous avez profité de cette longue fin de semaine. François, toi, est-ce que t'en as profité? Oui, oui, vraiment. En fait, il a fait beau. Ouais. J'étais allé me promener dans le bois. Oh! C'est pas tranquille. Là. Qu'est-ce que t'as fait? T'as sniffé des champignons? Non, même pas. Ma blonde voulait pas. Ah, là, c'est pas fin, ça. Ah, c'est pas fin. Non. Moi, j'ai pas fait grand-chose. C'est un magasinage. C'est ça, les fêtes semaines de trois jours, là. Le magasin était ouvert hier? Oui. Ouais, pour vrai? Oui, tout? Malheureusement. L'épicerie? Ouais. Ah, ouais, pour vrai? OK. Non, je savais pas, j'ai pas pris de chance. On s'en sauve pas, j'aurais bien aimé que ce soit le contraire. Mais bon. On t'aurait pu t'en sauver. Ouais. Aujourd'hui, à l'émission, François Olivier, on a un plan des plus fantastiques. Des plus chargés, encore plus ce matin. Mécaniques. Ouais, exactement. Écoute, le lien est acceptable ce matin. Facile, je dirais même. Ouais, tout à fait. Car on reçoit un des membres de la formation Jardin Mécanique en entrevue vers 7h15. Et d'ailleurs, ils vont nous parler du spectacle qui va se dérouler ce soir, ici même à Trois-Rivières. Oh. Donc, voilà. Merveilleux. Ensuite, à 7h30, Maxime Tanguay sera là pour sa chronique. C'est qui déjà ce band-là? J'en ai aucune idée. Ça va être évidemment sur les groupes de musique indie. Ensuite, à 8h, on aura Michel Lebrun, sa chronique juridique. Oui, je l'ai dit tantôt, j'ai dit juridique, judiciaire et justice masquée. C'est presque l'Halloween. Presque. Fait que... Presque. Il reste juste, vingtaine de jours. Vingtaine environ. Et ça veut dire évidemment pouvoir se déguiser en différentes sortes de criminels. C'est sûr. Ouais. T'sais? C'est vrai qu'ils font ça, non? Ils vont se déguiser en Freddy Krueger. Hein? Hmm. Je sais pas Michel Lebrun s'il se déguiserait en quelque chose pour nous. Je sais pas. Je sais pas. Ça tombe-tu à mardi? Non, je pense pas. Je pense pas, mais on fera une semaine d'Halloween complète. Là, c'est un mercredi cette année. OK. Ouais, c'est la semaine du 29 octobre au 1er novembre. Tu vas-tu te déguiser? Ou... Oh, hein? J'ai jamais fait ça à la radio me déguiser, non. Non, pas encore. Et puis c'est ça, on verra en fin d'émission si on a du temps pour d'autres choses, mais pour l'instant, commençons en musique avec Chinatown. Voici Vivre les pieds nus. 89 FM, c'est fou. Bonne semaine. Carabine sur la cuisse d'une actrice. Metric et Breathing Underwater, assemblage requis. C'est une excellente pièce de leur album Synthetica. Et avant ça, on a entendu Chinatown et Vivre les pieds nus. Oui, mais ce matin, c'est pas chaud pour les pieds, donc il faut se mettre des souliers. Les petites pantoufles. Les pas petites pantoufles. Hein? Pas dehors, les pantoufles. Mais dans la maison, c'est toujours bon. Ouais. Et des pantoufles, c'est dehors, c'est mieux que rien. Ouais. Ça m'arrive souvent de porter mes pantoufles. Ben, tu sais, des fois, tu vas porter évidemment, je n'importe quoi. Hey, je fais ça. Ma blonde, elle dit, mets tes souliers. Non. Non. Pour pas perdre mon temps à mettre mes souliers. Hey, tu pourrais mettre des souliers aussi, Mathieu. Ça fonctionnerait très bien aussi. Ben, ouais, on te parle du pour rien dire. Ouais. Dans quelques minutes, on reçoit un des membres de Jardin Mécanique, l'opéra Rock Jardin Mécanique, tantôt. Ouais, ça exactement. Va être intéressant, ça. Oui, oui. Mais avant ça, on écoute encore un petit peu de musique avec du Peter. Oui, et la pièce? Je te laisse la choisir. Les chemins étoilés. Oh. Ah, tu voudrais que j'en choisisse une plus originale? Non. C'est un assemblage requis. Alors y'a mon taxi, j'écoute la radio. Malajub et radiologie à 7h18 à Assemblage requis avec François Marchand et Mathieu Plante. Ben oui. Maintenant, entrons dans le jardin mécanique, François. Parfait, allons-y. On reçoit en entrevue M. Francis Gagnon, alias M. Camélius. Bon matin. Oui, bon matin. Ça va bien? Ça va toi? Ça va très bien, merci. Donc, jardin mécanique, écoute, pour ceux qui ne savent pas, comment tu décrirais ça? En fait, je décris ça comme un peu une comédie musicale. Okay. En fait, des musiciens qui jouent des chansons qui sont liées entre elles à travers une histoire. Les personnages, en fait, les musiciens sont des personnages qui chantent dans des personnages. Ils sont costumés aussi sur scène. Il y a des projections qui sont en temps réel, qui viennent appuyer la mise en scène. Il n'y a pas une seconde entre les chansons qui n'est pas calculée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours une narration préenregistrée aussi qui toujours mène l'attention. OK. C'est ça. Il n'y a pas une seconde qui n'est pas calculée. Même les regards sont timés. On a travaillé tout l'été avec un metteur en scène. On a fait des pratiques, pas d'instruments. Donc, juste les regards, juste les déplacements, les visages. Ça donne une idée. Chaque aspect est considéré et peaufiné. Mm-hmm. Le premier épisode s'appelle La sinistre histoire du théâtre Tête à mort. Qu'est-ce que c'est l'histoire, en gros, de ça? L'histoire, en gros, c'est trois artistes itinérants qui viennent s'établir dans une usine désaffectée. Ils essayent d'amener un public, ils essayent d'avoir du monde dans leur théâtre, il n'y a jamais personne. Plus ça va, plus qu'ils pensent à une stratégie pour amener du monde. Et finalement, ils trouvent une façon de s'approprier leur public de force. OK. OK, c'est bien. Pour les gens qui ne savent pas, en fait, vous venez de Trois-Rivières. Oui, ça fait. Les trois, en fait, toi, Francis Gagnon, Sylvain Descarfels et Philippe Coulombe aussi. Oui. On voit aussi que pour l'album, il y a eu plein de collaborations, dont mon frère, Guillaume. Guillaume Marchand? Ben oui, Guillaume, c'est mon frère. Ah, OK. C'est pas reconnu, ouais. C'est pas grave. Écoute, mais pour le spectacle, en fait, est-ce que vous êtes juste trois? Oui, on est juste trois. Ouais. Y a des séquences, tout ce qui est sur l'album qu'on entend est en séquence en temps réel, donc on suit ça. Okay. Ouais. Génial. Et puis, en fait, vous décrivez votre style comme, comment je pourrais dire, du steampunk? Ouais, steampunk, c'est surtout une esthétique visuelle, en fait. OK. Qui est un peu un style rétro-futuriste, qui est une façon d'imaginer l'époque victorienne dans un autre, s'il y avait eu de l'électronique ou s'il y avait eu... en fait, c'est d'imaginer l'époque présente avec la technologie à vapeur. C'est comme une sorte de science-fiction. Puis, on a toujours aimé ce style-là. On va là-dedans, puis notre processus créatif s'apparente à ça. On fabrique un peu des instruments qui ont servi aux arrangements. Comme par exemple, on s'est fait des micros avec des téléphones, okay. Des vieux téléphones, des arbres de clés. Moi, j'ai vidé des Rona pour faire des instruments. Donc, c'est ça. OK. Et puis, c'est ça, vous êtes en spectacle ce soir du côté de la salle Anaïs Allard Rousseau. On peut s'attendre à quoi, en fait, un spectacle là, de jardin mécanique? On peut s'attendre, comme le nouveliste le dit, on peut s'attendre à une... comment il disait ça? Oui. C'était bon. À un opéra rock excentrique. Ben c'est ça, comme je disais, trois personnages costumés dans des voix de personnages avec... des chansons qui sont liées ensemble, une mise en scène, vraiment quelque chose de multidisciplinaire. OK. Et puis, c'est ça l'esprit. Il y a des surprises à chaque chanson, il y a des surprises, c'est de l'inattendu d'un bout à l'autre. OK. Et puis, le spectacle débute à quelle heure? À 8 heures. OK, parfait. Et puis, en fait, il y a encore des billets disponibles, j'imagine? Oui, sûrement. Puis pour ceux qui ont vu, parce qu'on a fait un spectacle à la même salle l'an passé, pour ceux qui ont vu ce spectacle-là, il y a vraiment une... la mise en scène a été, comme je disais, elle a été peaufinée tout l'été. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent. OK, c'est un nouveau spectacle? Oui. OK, génial. Écoute, en se quittant comme ça, je sais pas, est-ce que vous avez une pièce que vous aimeriez faire jouer? Ouais, la n'importe première. La première ou la troisième? La troisième décrit bien, fait le tour un peu de tous les styles. OK, parfait. Donc, on va aller entendre l'enthousiasme de M. Edwidge. Exactement. Francis Gagnon, merci. Merci beaucoup. Ben, écoute, merci. On vous souhaite bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouvrez vos cœurs assombris. Faites sourire vos dents jaunies. Rengainez votre rancune, car certains ont plus d'infortune. Bientôt nos noms inconnus gravés sur une étoile dans la rue, sous les feux des projecteurs, dans toute notre splendeur. On mérite la de l'argent qui coule à flot. 10 voitures, 13 maisons, en enfin un chiffre plus rond. Naviguer partout dans le monde, les auditoriums se bondent, les admirateurs s'effondrent, rien qu'à voir nos ombres. Des bouquets de fleurs par milliers, partout où on va chanter. Un tapis rouge sous nos souliers, partout où on met les pieds. Ha ha! Ma face dans toutes les revues, ma musique qui inonde les vues, mon nom dans les dictionnaires, dans les livres d'histoire. Jardin mécanique et l'enthousiasme de Monsieur Edwidge, c'est bien ça, François? Tout à fait. Oh oui, c'est l'extrait numéro 3 de cette superbe œuvre qu'on appelle La sinistre histoire du théâtre Tête à mort, épisode 1 par Jardin mécanique. On rappelle le spectacle qui a lieu ce soir, mardi 9 octobre, à la salle Anaïs Allard Rousseau, AAR. AAR, tout à fait. Écoute, ça va être un bon spectacle, je pense, à voir absolument, là. Et c'est le cas de le dire. Absolument. Et allez voir jardinmécanique.com ou encore facebook.com/jardinmécanique pour en savoir plus. Voilà. Nous, on va revenir dans quelques instants avec Maxime Tanguay. Sa chronique, c'est qui déjà ce Ben-là? J'en ai aucune idée. Salut Maxime. Allô. Ça va? Ça va bien, vous autres? De quoi tu vas nous parler tantôt? Silver Sun Pickups. Hey, des petits pick-ups. Oui. Pourquoi? La progéniture des Smashing Pumpkins, on peut le dire comme ça. Oh, pour l'Halloween, donc. Okay. Oui. Non. C'est pas du rock horreur. Mais je pourrais, d'ici l'Halloween, je pourrais vous amener de quoi de plus horrifiant, là. OK. J'en ai en masse. Si vous allez juste me faire signe, puis je vous amène ça, puis les gens vont changer de poste. Oh, ouais. Non, pas à ce point-là. Non, c'est voilà. Ça. Ce serait pas souhaitable. Non, pas du tout. On en parle avec toi tantôt. Pour l'instant, voici The Loodies. Ça, c'est fou. 89 FM. Retour, on ramasse des soleils argentés, si on veut, mettons. On peut dire ça de même. On le dira pas trop souvent. Parce que... Non. À Assemblage Rock. semblable qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Maxime Tanguay se fait aller les bras un peu comme les trucs gonflables devant les concessionnaires de voitures. Yeah boy. Donc, oui, c'est pas un compliment. Non, non, pas non, mais écoute, j'ai jamais prétendu être un bon danseur. Hein, non. Moi non plus. Mais t'es un excellent vendeur de chars. Donc, on va te demander de dire le nom de ta chronique en tant que vendeur de concessionnaire de voitures usagées. Okay? Oh, tabarouette. Hey, c'est quoi ce band-là? Ah, no can do. Salut Maxime Tanguay. Hey, salut. Je te lâcherai, moi, ton char. Ouais? Ouais, exactement. Ah, t'es assez fou. Mais tu sais quoi le pire? Non? C'est qu'on m'a dit en fin de semaine que je pourrais. Une de mes amies m'a dit: Max, je pense que tu pourrais comme me vendre le fait que tu vas m'ouvrir le ventre puis m'arracher un rein puis je te dirais oui en te remerciant. Hey, t'es si bol, OK. Wow, ah, mais okay. Si elle te remercie. Ah, ben oui, ben c'est ça, c'est ça. Hein? C'est, je pense que. Voilà. J'ai le pouvoir de. C'est fait, ça. De... Mais t'es charmeur, tu convaincs les gens. Ouais, c'est ça, de conviction. Conviction, c'est ça. Voilà, c'est un pouvoir de conviction, semble-t-il, très grand. Conviction, c'est quand tu trouves quelqu'un coupable d'un crime, je pense, hein, aussi. Puis, ouais, ben, c'est des pièces. Des pièces. Ouais, des pièces à conviction. C'est conviction, exact. Ouais, ouais. Donc, Maxime, oui. Aujourd'hui, tu nous parles de Silver Sun Pickups. Oui, Silver Sun Pickups, qui est un band qui, ironiquement, à la base, je n'ai pas aimé quand j'ai entendu. Pour quand j'écoutais pas. Ah, ouais, ah, quand j'ai acheté. Première écoute, non? Première écoute, j'ai non. Je trouvais ça plate. Okay. Carrément. Mais bref, vous allez voir, il y a un punch à la fin de la chronique. Okay. Voir, super bon. Super. Pas vendre. Ben, si tu nous en passes ce matin, j'espère que c'est bon. Oui, ben oui, jamais je ferais ça. Jamais, on pas besoin d'être plus d'affaires mauvaises à l'émission que moi, mettons. Voyons. Plein d'amour, Mathieu, plein d'amour. Merci. Mais voilà, un petit groupe qui est issu de Los Angeles, qui a débuté en 2002 environ. Et pourquoi je disais que c'est la progéniture des Smashing Pumpkins, c'est-à-dire des citrouilles qui frappent? Oui, c'est vrai, ouais, on peut dire de même. C'est que dans le fond, ben, premièrement, ça peut paraître con, mais c'est une demoiselle qui est à la base. À la base. OK. L'instrument de musique, là. L'instrument de musique, oui, okay. Oui, pas à la base. Ben, peut-être à la base du groupe aussi. La fondation. À la fondation, mais quand même, voilà, c'est une demoiselle qui joue de la basse. Et ils ont un son qui est un peu similaire à ce que aurait dû devenir, en fait, peut-être des Smashing Pumpkins, ou en tout cas, dans le même giron. Mais plus puriste, parce qu'on sait que les Pumpkins, autres, c'était très shoegaze. Ben, du moins, quand ils ont commencé, là, après, Billy Corgan a décidé de devenir un peu imbu de lui-même. Mais c'était très, dans le fond, la musique shoegaze qui est surtout concentrée sur les effets de guitare, sur les... C'est pas psychédélique, mais sur le bord de l'être, c'est souvent justement des grosses distorsions. Dans le même refrain, entre autres, Silver Sun, dans le même refrain, je pense qu'à un moment donné, ils ont trois distorsions différentes à la guitare qui changent là, durant le refrain. C'est de jouer beaucoup avec ça. Puis on disait shoegaze parce qu'il y avait tellement de pédales que les musiciens étaient obligés de regarder leurs pieds. Mais dans le fond, ils regardaient leurs pédales pour taper à la bande. Ah. C'est pour ça qu'on appelle ça le shoegaze. Et eux sont là-dedans un peu. Donc, une voix qui est un peu sobre, mais qui peut s'emporter de Brian Oberg, qui a d'ailleurs une très belle voix. Des performances électrisantes en spectacle. Même que je connais quelqu'un qui est allé les voir. Ils ont fait la première partie de Muse jadis, pendant la tournée de The Resistance, de Muse. Et il y a quelqu'un qui était, une de mes amies qui était dans la salle, qui m'a dit que le chanteur était tellement intense qu'il faisait peur. Ah ouais, ouais. Ce qui tombe vraiment dans sa bulle. Puis, mais les spectacles sont, semble-t-il, exceptionnels. C'est un son qui est de nature tranquille, je dirais. Tu sais, les chansons, globalement, je pense que c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que leur premier album, Carnivus, m'avait pas nécessairement plu, parce que je m'attendais pas à ça. Mais c'est grosso modo quand même relativement tranquille. C'est du rock quand même, du rock indie, shoegaze. Mais de méditation, si je peux dire de même. Moi, j'écouterais ça le soir ou encore l'hiver, tu sais, parce que je trouve que c'est pas... Je sors pas quand il fait 30 dehors, que mes fenêtres baissées puis le gros soleil. J'écouterais pas ça. Okay. Pas parce que c'est pas joyeux ou quoi. Non, c'est juste que c'est un genre de rock qui me rend en état de méditation, moi. Je sais pas. Introspectif, ouais, zen. Peut-être. Exact. Ben, vous allez en avoir un aperçu avec les chansons que je vous ai amenées, là. Mais c'est ça. C'est des pièces qui sont quand même assez longues, donc qui ont souvent le temps de se développer, ont souvent le temps d'être bien construites. Et puis ça, c'est les trois albums là, dans le même panier. Donc, c'est vraiment des pièces autour de 5 minutes, parfois un peu plus longues, rarement un peu plus courtes. Et ils ont trois albums jusqu'à présent, et eux autres, ont la règle de trois est assez forte, puisqu'ils ont sorti en 2006, 2009 et 2012. Donc, prochain en 2015, ça va être loin, ça, là? Oui, mais en fait, oui, personnellement, je trouve que c'est trop loin, mais en tout cas, au pire, on va les envoyer des lettres un peu creep de « Hey, sors ton album! » Des lettres de journaux découpées, là, tu sais. Oui, puis on va coller la face du chanteur un peu partout dans le même temps, Barack Obama avec la face, en tout cas, bref. Wow. Mais oui, Carnivores, qui est sorti, dans le fond, le premier album en 2006, qui est probablement le plus shoegaze de la gang. C'est vraiment très puriste comme album. Puis ils ont vraiment installé les bases du groupe, ce qui est intéressant. Et Swoon, qui a suivi en 2009, qui est un peu une tranquille évolution vers de quoi de légèrement plus accessible et plus travaillé un peu aussi au niveau de la... Comment tu dis ça? Swoon? Swoon. OK. S-W-O-O-N. J'ai aucune idée que ça veut dire. Swoon, c'est... Ah, c'est dur à expliquer, mais c'est comme pas quand tu t'évanouis, mais tu sais, c'est comme. Tu sais, comment. Ah, tu sais, genre, je sais pas comme. Mais ah. Effectivement, parce que le il y a pas de chanson titre, mais je sais que dans le. Il y a comme. Entre la première et la deuxième pièce de l'album, il y a comme un moment qu'on sait pas ce qui se passe. C'est-tu la conclusion de la première chanson ou l'intro de la deuxième? Mm-hmm. On le sait pas. Mais c'est là qu'il dit When you fall into your swoon. Fait que j'imaginais que c'était un état où. En pamoison, dit-on en français. Pamoison. Ah, tu t'es en pamoison. Ah. Mathieu, ouais. Tu viens de répondre à une question que je me pose depuis 2009. C'est laid, là, ce mot-là. Non? Merci. Oui. Ouais. Mais quand même. Mais la pochette est correcte aussi. Ouais, mais c'est. Des drôles de pochettes. Swoon, donc, c'est ça. Et c'est de par Swoon que j'ai apprécié Carnivores parce que, justement, cet album-là était un petit peu plus accessible. Et ça m'a permis de comprendre un peu c'était où ils voulaient aller avec le premier album. Et là, j'ai apprécié le premier album après. Puis je l'ai apprécié en tabarouette après. Fait que, tu sais, des fois, ça prend juste un petit déclic. Et finalement, en 2012, donc cette année, ils ont sorti Neck of the Woods, qui est encore la même continuité, de légèrement, encore une fois, plus accessible. Même, ils vont explorer un petit côté pop, mais tout en restant quand même fidèles à leur origine un peu plus shoegaze, un peu plus rock. Fait que c'est, voilà, une tranquille évolution du groupe. C'est ça qui est intéressant. C'est pas des albums qui vont casser à la baraque. C'est pas un band que j'écoute tout le temps, mais c'est un band que j'écoute souvent. Quand t'es écoutes, t'aimes bien ça. Ben, c'est ça, exactement. Puis ils ont jamais tombé dans le petit moment mort que tu regardes ta discothèque, tu fais « Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. » Non, aux autres, je sais que j'ai les. Puis quand j'ai le goût, j'ai les sors. C'est un très bon band, vraiment, à conseiller. Puis, ben, normalement, je ferai pas une chronique. Puis, sinon, et les deux chansons que j'ai sélectionnées, c'est « Well Thought Out Twinkles »,« Well Thought Twinkles »,« Well Thought Out ». Well thought out, Queen Calls, yes. Beau moment. Ça. Swoon. Non, ça, c'est sur Carnivores, son premier album. Donc, vous allez voir vraiment le côté très shoegaze, un peu plus rock du groupe. Et Growing Old is Getting Old de Swoon, qui est le côté un peu plus tranquille, lent que le groupe a exploré. On écoute ça? On écoute ça. Fait que ça ressemble à ça. C'est bon. C'est bon. Oui. Ouais, c'est bon. Comme je vous disais, ils partent souvent leur spectacle avec la dernière chanson qu'on a entendue, là, Growing Old is Getting Old. Et voilà, fait que c'est Smashing Pumpkins. Ah, c'est Verson Pickup. Mais c'est vrai que ça ressemble. Mais l'essence est là. C'est sûr qu'ils ont évolué dans différents girons, si on peut dire comme ça. Mais moi, personnellement, je trouve que Silverson Pickups vieillit mieux que Smashing Pumpkins, malheureusement. Malgré tout le respect que je dois à cette personne imbue d'elle-même. Pierre Billy Corgan. T'as l'air de l'aimer. Hein? T'as l'air de l'aimer. Non, mais pour vrai. Non, ouais. Non, j'ai un immense respect pour Billy Corgan. Puis, il est juste fendant, prétentieux. Puis, Oui. Puis je veux dire, on pourrait s'en compter longtemps sur ses agissements, tant avec les membres du groupe qu'avec les médias. Ouais, c'est assez particulier. Hein. Il est très particulier. Ouais. Très, très, très particulier. Mais j'enlève pas le talent là, de Billy Corgan. Puis ouais. Où ce qui a amené à la musique. Là. Du tout. D'accord. Donc, on rappelle que c'est Silverson Pickups, le groupe que tu nous as fait entendre. Et puis, on en découvre un autre la semaine prochaine dans ta chronique. Tout à fait. Ben oui. Puis il paraît qu'il va être bon. Vraiment. C'est pas mal, je dis ça à chaque semaine. Là. Juste un critère pas mal. Hein, pour, ouais, c'est la chronique. Ouais. C'est la chronique. C'est qui les choses, Ben? Là, j'en ai aucune idée. Exactement. Et on se retrouve mardi prochain à 7h30. Ben, c'est parfait. On merci, Maxime Tanguay. Ben, merci à vous. Merci. Nous, on termine la première heure de l'émission ici. On se retrouve dans quelques minutes avec la chronique de Michel Lebrun, la chronique juridique, justicière et. Judiciaire. Et justice. Justice et justicière. Les deux en même temps. Ensemble, on prend pas de chance. C'est le fun quand même. On a aussi la chronique C'est un fait qui s'en vient dans la deuxième heure. Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. La deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 9 octobre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Oui, mardi 9 Rocktober. Octobre, Mathieu. Rocktobre. Rocktobre, excuse-moi. Octobre. Rocktobre. Rocktobre. Rocktobre. Une chair à gorge. C'est ça. Maintenant, c'est le moment tant attendu, François. Moi, en tout cas, cette chronique-là me fait plaisir à chaque semaine. C'est vrai. Voici Michel Lebrun et sa chronique panier à salade. Bon matin, Michel Lebrun. Bon matin. Ça va bien? Hein? Oui, ça va bien. Vous aussi? Oui, très bien, merci. Oui, ça va mieux que la semaine passée, en tout cas. Ah, écoutez, moi, t'as de l'air en pleine forme, ce matin. La moitié mieux que la semaine dernière. Puis la moitié moins bien que la semaine dernière. Tu veux dire que là, t'es à 30-40%, quelque chose comme ça? Ok, pas vraiment bien. Le rhume est parti, puis le dos est encore barré. Ouais. Ah, désolé. Donc, aujourd'hui, on a un sujet particulièrement osé, je pense. Ben, c'est peut-être un sujet qui est aussi vieux que la Terre. La semaine dernière, ce qui me donne un peu l'occasion d'en parler, c'est que la semaine dernière, la Cour suprême s'est prononcée dans deux décisions qui me sont apparues assez intéressantes sur ce qu'on appelle le consentement en matière sexuelle. Le viol. Ben oui, en fait... ce qu'on appelle le viol, tout le monde a une idée un peu de ce que ça peut être un viol. On appelle ça maintenant une agression sexuelle. Et je dirais traditionnellement, il y a eu l'utilisation de la force attaquer l'intégrité sexuelle d'une personne. Bon, ça, on appelait ça un viol à l'époque ou un attentat à la pudeur. Ce qui différenciait un peu les deux termes, c'était la nature de l'agression comme telle. Lorsqu'il y avait relation sexuelle, on appelait ça un viol. Lorsqu'il y avait simplement atteinte à l'intégrité sexuelle ou d'une forme de violence qui pouvait toucher l'intégrité sexuelle d'une victime, on appelait ça un attentat à la pudeur. C'était très axé à l'époque sur ce qui était la violence physique. Et il y avait pas beaucoup de façons d'alléguer que, par exemple, on avait consenti à quelque chose, mais que ce consentement-là était invalide. Aujourd'hui, le droit a évolué quand même beaucoup. À l'époque, je vous dirais, et c'est ce qui conduit aux décisions de la semaine dernière où la Cour suprême s'est penchée un peu sur le cas de personnes qui sont porteurs du virus HIV, les gens qui sont séropositifs, qui ont des activités sexuelles protégées ou non protégées, alors qu'ils sont à risque ou alors qu'ils ne sont pas à risque. Et puis ça... ça vient un petit peu de l'évolution qu'il y a eu, parce qu'il y a eu dans le droit depuis les années 80. Autrefois, puis c'est un peu ce que la Cour suprême a fait, c'est ce que je trouve intéressant dans les décisions qu'ils ont rendues la semaine dernière. Bon, premièrement, ils traitaient de deux cas. Un cas du Québec et un cas d'une province anglaise où la cause de monsieur qui s'appelle Mabillard, qui est un genre de... c'est une personne qui était séropositive, qui avait des activités assez intenses, qui avait une maison. En tout cas, c'était ce qu'on pourrait appeler un party animal. Là. Ce qu'on décrit un peu son mode de vie. Il y a beaucoup de gens qui passent chez lui. Et sa vie sexuelle est bien remplie. Oui, c'est ça. Il y a neuf femmes qui... apprennent qu'elles ont eu des relations sexuelles avec lui sans savoir qu'il était porteur du virus du sida. Certaines disent qu'il a utilisé un préservatif, un condom. D'autres disent que non. Et à tout événement, lui se défend en disant qu'il suit des traitements. Et je pense que ça, on savait pas ça. En tout cas, moi, personnellement, je savais pas ça. Mais l'évolution des traitements est telle qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont à toute fin pratique pas contagieux et qui n'ont pas le taux de bactéries ou de possibilité de contamination. Quand la maladie est bien traitée, le risque est très, très, très, très faible. Mais t'es obligé de le dire quand même? Toute la question. Qu'est-ce que tu es obligé de dire? Qu'est-ce que tu n'es pas obligé de dire? Puis... l'autre décision qui s'est retrouvée à la Cour suprême en même temps, c'est encore plus intéressant, c'est une décision du Québec où c'est une femme qui est séropositive, qui rencontre un homme. Elle ne lui dit pas lors de ses premières relations sexuelles, il ne sait pas qu'elle est séropositive. Elle est un peu comme l'autre individu. Elle a des traitements, elle a très peu de chances de... on parle de 0,1% de possibilité de contaminer. Et... par la suite, elle finit par lui avouer à son conjoint. Lui, ça le choque, il la laisse, mais finalement, il reprend avec elle et ils ont une relation qui dure plusieurs années. Et monsieur n'a jamais été infecté, tout comme dans la décision qui vient de l'autre province. Les neuf personnes, il n'y a eu aucun cas, heureusement, où les personnes ont été infectées par le sida. Mmh. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont séparés plusieurs années plus tard, l'homme et la femme. Et là, on peut voir un peu où le droit criminel... Il y a peut-être certaines limites qu'il faut parfois imposer. Lorsqu'ils se sont séparés, madame a fini par être victime de violence lors de la séparation de cette personne-là. Elle a porté plainte contre lui de voies de fait. C'est pas des voies de fait graves, mais elle avait été bousculée. Ou je sais pas trop qu'est-ce qui s'était passé. L'histoire ne le dit pas. Mais elle porte plainte contre lui. Il est trouvé coupable. Et lui, un peu pour se revenger. Oui. Et ce qu'il dit... c'est, écoutez, la première fois qu'on a eu des relations, elle ne me l'a pas dit, on ne s'est pas protégé, donc ça devient, mon consentement est invalide, et donc cette relation-là devient un viol, devient une agression sexuelle grave, parce que, et là on remonte à quelques années, la Cour suprême avait déjà dit, bien, écoutez, quelqu'un qui est porteur du sida, qui a des relations sexuelles non protégées, qui ne le dit pas, ça devient c'est une lésion grave à la personne, même si la personne n'est pas infectée, on dit la personne aurait eu le droit de savoir ça, c'est traumatisant. La personne, dans la décision qui est remontée à 98 de Cuillerier, la personne n'a pas été infectée, semble-t-il, mais imaginez le stress qu'elle a eu à vivre pendant les mois à se poser cette question-là et à subir des tests. Et ça rentre dans le cadre d'une agression sexuelle? Là, on retombe, pour comprendre un peu, puis c'est ce que la Cour suprême fait, il faut revenir un peu en arrière, remonter à l'époque, je dirais, l'époque victorienne. À l'époque, en Angleterre, à l'époque où on a un peu conçu le droit criminel, ce qui nous a conduit au droit criminel moderne, la question s'était posée. Évidemment, le sida, ça n'existait pas dans les années 1800, mais il y avait une sorte de maladie transmissible sexuellement qui était On s'était posé la question et dans les années 1800, beaucoup de tribunaux disaient, écoutez, une personne qui a par exemple la syphilis, qui se fait donner la syphilis par quelqu'un suite à une relation et qu'elle ne le sait pas et que la personne ne lui a pas dit, que ça devenait, dans le fond, cette relation sexuelle-là qui est en apparence de consentement, on va invalider ce consentement-là parce que la personne n'aurait pas eu cette relation-là si elle avait eu l'information, le fait que la personne avec qui elle a eu cette relation-là souffrait de cette maladie-là et pouvait lui transmettre une maladie aussi grave. La syphilis, c'est très grave aussi. Et ça s'était débattu et... il y avait, dans une certaine mesure, jusqu'en 1880 quelques, on allait un peu dans le sens de ce qu'on dit aujourd'hui dans le cas du sida, de la séropositivité, ça pouvait invalider le consentement. Et si ça invalide le consentement, ben ça devient un viol. Techniquement, c'est comme si on avait été forcé, qu'on a été contraint. Je vous avais déjà parlé un peu de l'état d'esprit chez quelqu'un, chez un accusé. Ben, l'état d'esprit chez une personne qui a une relation sexuelle peut... Si on n'a pas de consentement, ça devient, au sens de la loi, un viol. Et puis là, ça peut entraîner des peines de prison qui sont assez importantes. Ce que le droit et la Cour suprême dit, c'était à l'époque victorienne, je ne suis pas un spécialiste en histoire, mais il y a eu une décision qui a fait autorité à un certain moment donné, à la fin des années 1800. Je pense que, je ne sais pas quel niveau de juridiction c'était au niveau de l'Angleterre, mais il y avait 13 juges qui se sont prononcés. Okay, et 9 ont mis fin à ce courant jurisprudentiel-là, de ce courant de décision-là, et ils ont dit... qu'on ne peut pas invalider le consentement parce que la personne avait une maladie. Alors, est-ce qu'on a bien une... La seule chose qui peut invalider un consentement, c'est que, par exemple, que la relation sexuelle aurait été présentée comme étant, par exemple, un acte médical. Un charlatan, par exemple, qui ferait croire à une personne que des activités de nature sexuelle vont être thérapeutiques alors que ça ne l'est pas. Ça pourrait invalider un consentement. L'autre façon d'invalider un consentement, c'était de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ouais. Par exemple, se faire passer pour le mari d'une femme. Et c'était spécifiquement prévu dans le code criminel. Ben, c'est assez farfelu de penser que c'était un motif d'invalidation. Mais reportez-vous à une époque où il n'y a pas de photographie, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de télécommunication. Mais t'es supposé connaître ton mari. Oui, mais si vous regarderez le film l'histoire de Retour de Martin Guerre, ou l'histoire qui se passe au Moyen-Âge, il faut voir que le droit des années 1800 résultait de ces années-là. Là. Okay. Quelqu'un part à la guerre, revient 5 ans, 10 ans plus tard, puis dit, ben, écoutez, j'ai été blessé, j'ai été défiguré. Et puis là... Ça va ton mari. Je veux dire, si on enlevait tous les albums de photos... Là, ah non, c'est ça. Puis, bon. Donc, c'était très limité. On a dit, si la personne... s'il y a erreur sur la personne ou s'il y a erreur sur le fait qu'il s'agissait d'une relation sexuelle, ça sera invalidé. Mais tous les autres motifs d'invalidation ne seront pas acceptables. Et un des motifs qui était donné à l'époque par les juges anglais, c'était de dire, ben écoutez, si la personne, par exemple, est mariée avec son mari, une aventure, commet l'adultère, devient infectée par une maladie, ben la personne avait marié cet homme-là pour le meilleur et pour le pire. Donc, elle doit accepter que ça fait partie de c'est dans le game, là, mettons. C'est un peu comme ça que la Cour avait un peu réglé le problème, je dirais, de façon assez... coupée à la hache un peu. Mm-hmm. Dans les années 80, on est revenu... On a réévalué cette question-là du consentement et on a essayé de couvrir des situations qui sont différentes, des abus psychologiques. Des gens qui sont sous le joug, que ce soit de thérapeutes, que ce soit de... Même lorsqu'il y a il y a des choses qui invalident d'emblée le consentement. Par exemple, l'âge. On avait stipulé qu'à 14 ans... C'est l'âge légal. En bas de 14 ans, personne ne pouvait consentir à des activités sexuelles. Et de 14 à 18 ans, on ne pouvait pas consentir à des activités sexuelles avec des personnes avec qui on est en situation d'autorité ou de confiance. Par exemple, un professeur, par exemple, un gardien ou un moniteur, par exemple, de scout ou des choses comme ça. Camp de vacances, entraîneur. Mm. Les conservateurs ont fait remonter l'âge limite à 16 ans. Donc, aujourd'hui, on a l'interdiction de consentir à une activité sexuelle de quelque nature que ce soit avant l'âge de 16 ans. Ce qui cause certains, je fais une petite parenthèse, ça cause des problèmes qui sont relativement sérieux lorsqu'une personne, exemple de 15 ans, a une relation avec quelqu'un de 17, 18 ans. Ce qui est très, très fréquent. C'est ça. Je pense que sur la planète dans laquelle je vis, je pense que ça se produit. Mais je pense que sur la planète dans laquelle les conservateurs vivent, ça n'existe pas. Exact, c'est ça. Et, les gens portent plainte pour ça? Les gens portent plainte? Ben, il y a la possibilité de porter plainte pour ça. Les parents? Ben oui, des fois. Ben, vous me faites. J'ai vu une émission qui s'appelle. Une émission de télévision dramatique qui s'appelle Toute la vérité. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ça. C'est à TVA. J'en ai écouté. Je l'ai écouté la semaine dernière. Et puis, ça m'a rappelé que je l'avais déjà écouté il y a un an ou deux. Et justement, le problème était celui-là. Un père qui découvre que son fils est homosexuel. Ah. Donc, il le voit un peu. En train de quelque chose qui lui apparaît comme étant une forme d'activité sexuelle avec un autre garçon qui se trouve être un adulte. Le père force le fils à porter plainte. Il dit « t'as été agressé » puis tout ça. Puis le fils veut pas trop dire, dans le fond, de révéler son orientation. Donc, et ça devenait dramatique dans cette émission-là. Ce que je veux dire, c'est que parfois, criminaliser certains... Dans les années 80, on veut commencer à toucher à la question du consentement. On veut invalider des consentements qui sont obtenus sous la menace ou sous le joug psychologique ou lorsqu'il y a des déséquilibres. Mais on ouvre une boîte de Pandore, c'est-à-dire que c'est difficile de savoir où tracer la ligne exactement. Et il y a eu, par exemple, certaines pratiques sexuelles qui se sont retrouvées jusqu'à la Cour suprême. Des pratiques, je dirais, peut-être un peu extrêmes, là, où des gens s'infligent des souffrances. Et même, il y a eu une décision qui a été rendue l'an dernier où les parties pratiquaient une forme d'étranglement qui avait pour effet de les rendre inconscientes à un certain moment donné. Et les activités sexuelles se poursuivaient. Et il y avait c'était une entente entre les deux personnes. C'est comme ça qu'ils aimaient ça. Et puis, c'est une pratique relativement courante, cette forme-là d'asphyxie. Là. Ouais. Bon. Et, ça tue bien du monde, ça. Oui, il paraît qu'il y a eu beaucoup de morts, justement, à cause de ça. Mais dans le cas qui nous occupait, puis encore là, des fois, on peut abuser. Il y a un couple qui se sépare et dans les... La chicane pour la garde d'enfants, la dame, pour se revenger de son mari qui demandait la garde de ses enfants, décide de porter plainte pour quelque chose qui serait survenu plusieurs mois ou plusieurs années avant, justement, où il y avait eu une forme d'étranglement comme celui-là, qui était convenu. Ce qu'ils ont réalisé, c'est que c'est des activités que les deux pratiquaient à l'occasion. Et on a eu à se poser la question, lorsque la dame devient inconsciente puis que l'homme continue à faire son... à faire des choses. À faire ses choses. Est-ce que ça reste consentant? Et qu'on le sait, donc on le sait d'avance, ça a vraiment divisé la Cour suprême. La majorité de la Cour suprême a dit on peut pas consentir à des choses qui vont nous arriver pendant qu'on va être inconscient. Ouais, donc, on va pas signer un papier non plus pour dire ça. Et là, il y a une très forte dissidence à ce moment-là du juge Fish, d'ailleurs, qui est un juge du Québec, qui dit on a passé à l'époque de non veut dire non, parce qu'il était une certaine époque où... on disait, elle disait non, mais dans le fond, ça voulait dire oui. Donc, il y avait des défenses qui se faisaient un peu ça n'avait pas l'air sérieux quand elle disait non, des choses comme ça. Ça a été écarté graduellement par les tribunaux. Ils ont dit, si c'est non, c'est non. Mais le juge Fish critique un peu en disant, maintenant, oui, peut même être non. Donc, on s'est entendu sur une façon de faire et... on va déclarer coupable et envoyer en prison une personne qui a commis quelque chose qui était convenu de faire. Disons qu'on étire les limites là, du consentement, puis ça peut porter à certains abus. Puis ça nous conduit un peu à où on en est aujourd'hui par rapport aux gens qui sont porteurs de maladies transmissibles sexuellement en général ou du sida en particulier. Et les deux cas que je vous présente, c'est un peu dans ce contexte-là que se sont retrouvés dans la Cour suprême. On a dit, Écoutez, et là, c'est, vous devriez voir la liste d'organismes qui sont intervenus devant la Cour suprême pour présenter leur point de vue, parce qu'il y a les, il y a pas le point des experts, de vue des gens qui souffrent de cette maladie-là. Il y a des gens qui sont, je dirais, il y a des extrémistes de chaque côté. Il y a des gens qui vont dire ça doit toujours être révélé, peu importe qu'il y ait risque ou qu'il n'y ait pas risque. D'autres qui disent que... Mais je pensais que c'était un devoir, moi. Ouais, si t'étais infecté, c'était ton devoir d'informer la personne. Si tu l'informais pas, en fait, là, tu pouvais avoir des accusations. Ben, c'était ça jusqu'à, je vous dirais... Je pensais que c'était encore ça, là. L'évolution de la science a permis de rendre certaines situations où le risque est... Est tellement petit. Et pas réaliste. Ce que la Cour suprême c'est justement cette situation-là, c'est cette nouvelle donnée-là dans l'équation que la Cour suprême a traitée la semaine dernière. On a dit, qu'est-ce qu'on fait du cas où il n'y a pas de risque de propagation? Est-ce que la personne devrait nécessairement le divulguer? On se dit, ben là, il y a les droits des accusés aussi. Pas les droits des accusés, mais les droits des personnes qui sont malades. De ce que je fais ne met l'autre personne à risque, est-ce que je dois toujours d'emblée dire je suis séropositif pratiquement aviser toute personne avec qui je pourrais me retrouver dans une certaine promiscuité? Ben là, est-ce qu'on nourrit pas des préjugés? Il y a des gens qui pensent qu'avec se serrer la main, bon, ben ça va être dangereux. Il faut pas tenir compte de toutes les peurs non plus de tout le monde. Il reste une part de droit à la vie privée chez les personnes qui sont infectées compte tenu de l'évolution médicale. Il faut un billet du médecin. Ce serait ça qu'il faudrait, un petit billet du médecin pour dire 0,01% de chance. Ben, je vais vous dire, il y a eu plusieurs approches dans ces deux dossiers-là. Les juges sont pris avec disons, c'est des grosses patates chaudes, je dirais. Oui, ça doit pas être évident. Et puis, dans le cas de la dame du Québec, il y a un aspect un peu moral aussi où on se dit... Ça a l'air de règlement de compte. À partir du moment où il y aurait peut-être une décision qui avait à être envisagée du côté des procureurs de la Couronne, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'accuser quelqu'un des années plus tard, même après avoir su qu'il a continué à avoir des relations protégées ou non? Parce que, justement, ça lui faisait pas si peur que ça. Puis on est dans un cas où le risque de contamination était très faible. Le juge... dans la cause du Québec, il y avait un débat entre les deux, savoir si la première fois qu'ils avaient eu une relation sexuelle, ils avaient utilisé un condom. Et l'homme disait que non, et la dame disait que oui. Et la dame, un peu pour se protéger. Se protéger, c'est un jeu de mots. En fait, pour se défendre. elle disait qu'elle avait toujours utilisé un condom. Le juge a fini par croire l'homme et en raison de ça, il a déclaré la dame coupable d'agression sexuelle grave en disant, ben écoutez, vous ne l'avez pas contaminé, mais vous l'avez mis à risque et ça, c'est une agression sexuelle. Votre conjoint n'a pas consenti à une activité sexuelle. Son consentement n'est pas valide, donc vous êtes coupable. Colombie-Britannique, je crois, ou attendez un petit peu. En tout cas, dans l'Ouest canadien. Le monsieur Mabillard qui avait 9 plaignantes contre lui. Dans son cas, la juge qui avait entendu le procès l'a trouvé coupable dans tous les cas où il n'y avait pas eu utilisation de condom. Peu importe que sa charge virale, parce que le terme utilisé, c'est la charge virale, est-ce qu'elle est importante ou elle ne l'est pas? Lui, il disait, ben, si la charge virale est faible et mon traitement, elle est même parfois même pratiquement inexistante. Okay. À ce moment-là, lui, il disait qu'il pourrait être acquitté de ces chefs d'accusation-là parce qu'il n'y avait pas de risque de contagion. Et la Cour d'appel lui avait donné raison là-dessus. Et c'est comme ça que les deux dossiers se sont retrouvés à la Cour suprême. La Cour d'appel de cette province-là avait acquitté pratiquement de tous les chefs d'accusation cet homme-là. Et la dame au Québec avait également été acquittée parce qu'on disait... les cours d'appel sont allés, je dirais, du côté des accusés, peut-être à l'extrême, en disant si le risque est marginal, ben on n'a pas à le dévoiler. La Cour suprême dit, puis un peu comme vous avez eu comme réflexe en entendant ça, de dire, écoutez, même un risque... Et là, c'était une interprétation du critère qui était de dire une possibilité... important de risque grave pour la santé, quelque chose comme ça. qu'est-ce qu'un risque grave? Est-ce que c'est un risque infime de développer une maladie grave ou c'est un risque important de développer une maladie qui est plus ou moins grave? Ouais. Bon, on s'est posé ces questions-là. Mais c'est d'avoir le droit de choisir. T'sais. C'est comme un peu, si tu sais, mettons que tu peux avoir un accident en avion, il y a un tout petit pourcentage, mais tu as le choix d'y aller ou de pas y aller. T'sais. C'est un peu la même chose avec le virus. Tu as le choix ou pas de t'aventurer avec cette personne-là. Ben, la Cour suprême est allée pas mal dans ce sens-là, Mathieu, dans ton sens. Puis c'est peut-être, c'est justement ce qui tombait sous le sens. Là. Après avoir examiné à peu près toutes les qu'est-ce qu'on fait? L'obligation absolue de divulguer, où on met tout ça sur le dos de la victime en disant, t'as rien qu'à poser des questions. Ben oui, c'est sûr. Évident. Mais je vous dirais, la Cour suprême a même envisagé ces hypothèses-là. Puis il y avait certains groupes qui allaient pratiquement aussi loin que ça. Est-ce que le formulaire est disponible online pour que je puisse faire remplir ça à ma future? Non, ben là où on en est, on a mis la barre, je dirais, assez haute. On a dit, s'il y a une possibilité, même la faible, lorsqu'on a une faible charge virale, on doit également utiliser le condom. Et là, lorsqu'on a une charge virale très faible et qu'on utilise un condom, à ce moment-là, le risque n'est pas réaliste. Le risque de transmission n'est pas réaliste. Si on a un ou l'autre, il y a un risque. Et le risque est plus que minime, là, il est suffisamment réaliste pour qu'on doive le divulguer. Mais si on s'est pris dans une position où il n'y a vraiment aucune chance de transmission, aucune possibilité réaliste, on a permis, dans ce contexte-là uniquement, de ne pas le divulguer. Okay. C'est un peu ça c'est comme ça que la Cour suprême a tranché là-dedans en disant, toute possibilité de risque ou toute hypothèse que la science pourrait découvrir, un jour, on n'a pas à couvrir toutes ces possibilités-là. Jusqu'à même la guérison, là, un jour, peut-être. Oui, on est pratiquement... C'est ça, non, mais je savais pas qu'on était rendu si loin que ça. Écoutez, il y a des gens qui sont porteurs et ces traitements-là font en sorte que le virus ou la bactérie n'est même plus détectable. Pendant certaines périodes, des fois, ça revient. Okay. Mais évidemment, on doit suivre toute la médication. Ouais. Et c'est un peu dans ce contexte-là que la Cour suprême dit, ces gens-là ont des droits. C'est sûr que c'est pas... Encore là, on se dit, ça peut être correct. Mais entre ce qui est correct et ce qui est criminel, on va peut-être en venir... Si on criminalise trop de comportements, on va amener des gens qui sont, en somme toute, innocents à être condamnés ou à aller en prison. Et c'est un peu comme le mensonge. En fait, on dit le mensonge dans le contexte d'une relation sexuelle, si on criminalisait ça et si on validait le consentement à chaque fois que la personne, ce qui a motivé une personne à embarquer dans un comportement sexuel n'était pas tout à fait vrai... là, on pourrait se retrouver avec... Là, t'aurais de la job. On a pas mal d'ouvrages. Et puis, un peu comme le problème de l'intoxication aussi. Lorsque deux personnes sont intoxiquées, il y a des choses... Il y a des consentements qui sont loin d'être purs, loin d'être... Parfaitement éclairé. Ouais, exact. Mais ça se produit quand même. Puis on n'a pas fini d'essayer de trouver un peu le statut légal de ça, ça peut devenir presque tyrannique si on se met à réexaminer chaque relation qui sont survenues. Et dans le fond, la Cour suprême, compte tenu des développements de la science, elle ramène, certaines personnes qui sont séropositives, un peu comme tout le monde, à dire, écoutez, protégez-vous plus que moins, dans ce contexte-là, vous n'êtes peut-être pas obligé de le dire. Par exemple, avoir embrasser quelqu'un qui est séropositif, on sait que c'est... Avoir bu dans le même verre. C'est ça. Mais il y a peut-être des gens qui vont dire, j'aurais dû le savoir. Parce qu'on est hyper sensible. C'est pas toutes les sensibilités qui sont protégées par la loi. Ouais. Ça, c'est 0,000000. Faudrait-tu boire, je pense, des gallons de litres de bave. Mais la situation que la Cour suprême permet, je pense qu'il y a pas mal de cet ordre-là, si j'ai bien compris, à cause de la charge virale. On a besoin des deux. Quelqu'un qui aurait une charge virale... qui n'est pas diminuée ou qui n'est pas inexistante comme les traitements le permettent, mais que si le traitement n'a pas eu cet effet-là encore, même l'utilisation d'un préservatif ne permettra pas à la personne de ne pas le divulguer. Parce que la Cour suprême, écoutez, c'est pas une protection absolue. on peut pas prendre cette chance-là. On dit justement la faible possibilité d'être infecté par une maladie aussi grave que celle-là, ouais. C'est une possibilité qu'on, je pense qu'on veut le savoir. Ouais. Nous voilà arrivés au climax de la chronique de Michel Debrouille cette semaine. Hein? On se retrouve mardi prochain à 8h. Et pour se quitter, avant que vous... parce qu'après le climax, des fois, on s'endort. T'sais. Faut pas faire ça. On peut pas fumer. On peut pas fumer, non, malheureusement. Il y a une pagale juste. Là. Donc, pour essayer de vous remettre dans tous vos états, voici les Beastie Boys et Make Some Noise. On comprend la blague, Make Some Noise. C'est sexuel, quoi. Make Some Noise. Oh, oui, je comprends. OK. Faut être sûr. Wow, wow, wow, wow. Yeah. Yeah. Get up. Yes, here we go again. Give you more, nothing lesser. Back on the mic is the antidepressor. Hell rock, no pressure. Yes, we need this. The best is yet to come in. Yes, believe this. Let go my echo, my flex my EO. Sip on Prosecco, dressed up to Chino. In the coffee playing Keno in the casino. Le plan de demain à Assemblage requis. Les inséparables Anne-Julie Durocher et Jasmine Raymond-Dréville nous rendront visite et Maxime Bilodeau nous parlera de l'obésité en long et en large. C'est demain de 7h à Assemblage requis. Soyez. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Il est 8h34, vous êtes toujours à Assemblage requis. Et maintenant, vous le reconnaîtrez peut-être parce qu'il avait une chronique à notre émission. Oui, ancien chroniqueur. Ancien chroniqueur. Et tant qu'à le revoir aujourd'hui pour lui parler, on va y remettre son intro. Oh! Ah. Salut Nicolas Ducharme. Eh bon, madame, messieurs. Comment ça va? Ah, ça va très bien, vous? Oui, très bien, merci. On est content de te reparler dans le cadre de l'émission Assemblage requis. C'est toujours un plaisir. Bon, parle-nous de ça. Écoute, Nicolas Ducharme, on va parler premièrement des matchs des Patriotes. Après ça, j'aimerais ça qu'on discute un peu de la nouvelle Web TV qui est sortie d'ailleurs vendredi, c'était la première. Patriotes.tv. Ben oui, écoutez, les Patriotes en 20 semaines ont disputé deux matchs. Vendredi, on ouvrait la saison. Bon, c'est une saison de nouveauté. Du côté des Patriotes, nouvel entraîneur à la personne de Gilles Bouchard, nouveau capitaine, puis bon, comme d'habitude, plusieurs nouveaux joueurs. Par contre, je dirais que la différence, c'est que cette année, c'est une bonne partie du noyau qui a été modifié. On avait perdu plusieurs vétérans, deux vétérans de cinquième saison, donc c'est une équipe qui est un peu différente, mais à première vue, c'est une équipe qui est extrêmement motivée. Je trouve que les sourires sont nombreux dans le vestiaire, dans les corridors qui entraînent ensemble. Tout le monde semble déjà poussé dans la bonne direction. Puis c'est très étonnant de voir ça là, d'une équipe qui se connaît si peu. Il y a environ, je dirais, 7-8 recrues. J'ai pas le chiffre exact, mais ça semble déjà se diriger du bon côté. Donc, les Patriotes contre les Lakers de Nipissing. Nipissing, c'est situé à North Bay, en Ontario. Donc, c'est un long voyage en autobus. C'était une victoire éclatante de 7-7 de la part des Patriotes. Dans ce match-là, ce qui est étonnant, la tenue de Marc-Antoine Génette dans les filets, malgré 4 buts. Un mauvais but à la fin, mais pour le reste, pas eu grand-chose à se reprocher. Aussi à des avantages numériques, on a très bien joué, on était indisciplinés du coup des Patriotes, mais au moins on a réussi à se débrouiller à travers tout ça, donc c'était bien fait. Mais surtout on a vu, on se demandait bon quel type de trio Gilles Bouchard allait utiliser. On a fait appel sur la première ligne, Olivier Donovan, Félix Petit et la recrue Antoine Quévillon. C'est-à-dire qu'on a mis aussi chez les Patriotes, on a tout le temps eu une équipe qui était plus un petit peu plus petite au niveau de taille, c'est pas nouveau. Par contre, on a réussi à aller chercher deux gros bonhommes. Antoine Quévillon sur la première, Charles Bétis sur la deuxième. Ça fonctionne très bien jusqu'à présent. Tout le monde a participé au pointage dans cette victoire de 7-4. C'était très bon. Marc-Olivier Nimard, 3 points. Lui aussi, c'est une recrue, Marc-Olivier Nimard. Il n'avait pas encore disputé un match avec les Patriotes. 3 points partant, c'est très bon. Donc ça, c'est le match de vendredi. Surtout, le défi de la fin de semaine, c'était contre les Redmen de McGill. La bête noire, en fait, des Patriotes, là, c'est la grande rivalité. C'est la rivalité depuis plusieurs années. On sait que pendant des années, des lunes et des lunes, c'est les Patriotes qui ont dominé cette rivalité-là. Depuis 7 ans environ, c'est les Redmen qui réussissent. Ça fait 6 ans de suite que les Redmen éliminent les Patriotes en séries éliminatoires. Donc, c'est vraiment la bête noire en séries éliminatoires. Puis c'est une grosse machine de hockey, les Redmen, mais qui ont perdu énormément de joueurs. Je disais plutôt que le cœur des Patriotes avait été changé durant l'entre-saison. Les Redmen, c'est vraiment pire. On a perdu nos meilleurs pointeurs, nos meilleurs défenseurs. Tout jeu d'avantage numérique va être à voir. Donc, c'est absolument pas la même équipe qu'on a vue par le passé, mais c'est une équipe qui a eu un excellent recrutement durant l'entre-saison. Donc, on avait droit à un défi et les Patriotes ont dominé la rencontre à Montréal. La première période, ça a peut-être été un petit peu plus difficile, mais on n'a pas laissé de but. Donc, c'était 0-0 après la première période. En deuxième période, c'est là qu'on a explosé dès le début de l'engagement. Donc, victoire de 5-2 des Patriotes. Félix Petit, le premier trio, là, Quévillon, Petit et Donovan ont participé aux 5 buts des Patriotes. Lui seul, Petit, c'est 4 aides plutôt. C'est la première étoile. Là. Ouais, c'est une bonne partie pour lui. Gélina a bien fait aussi. Okay. Donc, je pense qu'on peut dire mission accomplie. Du côté de la troupe de Gilles Bouchard, j'ai parlé, bon, après le match de McGill, il était très, très heureux du dénouement. On semble, je pense que j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit un début de saison de la sorte? Est-ce que tout semble déjà rentrer dans les pièces du casse-tête, semble déjà s'assembler? Il dit, j'aurais souhaité que ça se passe de même, mais comment dire, je pensais pas que ça allait être aussi facile que ça, donc... Tout le monde semble aux anges du côté des Patriotes. Génial. Et avec le lockout de la Ligue nationale d'hockey, est-ce que, écoute, il y a plus d'audience, il y a plus les gens se déplacent plus pour assister au parti ou. Ben écoute, vendredi, il y avait 350 personnes. En même temps, il y avait un match du côté de Shawinigan et Cataract. Okay. C'est correct comme foule. Je pense que si on peut garder une moyenne de 350-400 toute l'année, ça va déjà être bien. Faut pas, écoute, avec les Patriotes, c'est tout le temps des gros efforts de marketing, donc pas des gros efforts de marketing, mais de sensibilisation, si on peut dire, peut-être de faire connaître ce calibre de hockey-là qui est tout le temps un peu difficile, pourtant c'est un excellent calibre. Ce que je vous dis, là, à Mauricie, cette année, c'est la meilleure équipe, bon, peut-être 5 carons et guillemets, mais à ce niveau-là, c'est les Cataractes seraient pas de taille là, contre les Patriotes, c'est un niveau de qualité qui est supérieur au hockey junior, donc je pense que ça vaut la peine de faire le détour, mais bon, avec 28 matchs, seulement 14 matchs à domicile, des fois, on dirait que tout le temps, bon, une roue de... du côté des Cataractes, on joue 70 matchs par saison, 68 matchs, si je me trompe pas, donc c'est beaucoup plus de parties, puis les gens deviennent, bon, développent une habitude, tandis qu'avec les Patriotes, le fait qu'on avait fait que 14 matchs à domicile, ça aurait été un petit peu plus difficile au niveau de la fidélité de la clientèle. Mais bon, la foule était quand même appréciable à 350 personnes. C'est un bon début. Et puis, écoute, nouvel outil aussi pour les gens qui veulent peut-être assister au match, mais qui sont pas dans la région de Trois-Rivières, peuvent en fait regarder les Patriotes à l'aide de nouveaux médias. Exactement, Patriotes.tv, c'est l'organisation des Patriotes de l'UQTR qui lance ça, donc c'est une web télé où on peut voir les matchs de hockey, les matchs de soccer aussi. Ah, le soccer aussi? Oui, le soccer aussi là, qui est diffusé, bon, vous allez sur Patriotes.tv, le match, par exemple, le match est à 16h, la retransmission est en direct. C'est parfois la seule chose, c'est entrecoupé de publicité de temps en temps, mais la publicité, au moment où elle commence, dites-vous que l'image est stoppée à l'arrière. Donc, quand ça commence, vous avez perdu 10 secondes du match. Okay. Ce qui est la partie agréable à travers tout ça. Donc, de mon côté, au hockey, bon, ben, je suis le descripteur de la rencontre. Je suis accompagné de Philippe Doucet. Bon, Philippe Doucet qui est au zone campus. Votre côté, un ami de longue date de mon côté. Donc, on va faire presque tous les matchs des Patriotes hockey cette année. À domicile? À domicile, exactement. Il y a peut-être 3 matchs qu'on ne pourra pas faire parce qu'ils ne sont pas au Colisée de Trois-Rivières. Ils vont être du côté de l'aréna Jérôme Côte-Noire à Trois-Rivières-Ouest. Okay. Et aussi au Colisée Mongrain. Donc, c'est une question d'installation. Il y avait des choses qui n'étaient pas possibles. Mais pour le reste, oui, en effet, on va faire... retransmettre tous les matchs locaux des Patriotes. Et je pense que c'est une bonne chose parce que du côté des étudiants, je pense que le problème, c'est qu'on parle la fin de semaine, on le sait, l'UQTR, c'est une université un peu... Il n'y a pas une tonne d'étudiants qui restent les fins de semaine. Donc, je crois que, bon, tu retournes dans ton Joliette natale, dans ton... dans ton patelin, là. Comment? Dans ton patelin. À ton patelin, exactement. Ben, au moins, cette semaine, le vendredi soir, tu peux suivre les Patriotes. Le samedi, tu peux écouter le match. Donc, au moment où ça va compter, bon, les matchs, les mercredis, les matchs en séries éliminatoires, souvent, il va y avoir des parties le dimanche soir. Je pense que les étudiants vont pouvoir un petit peu plus suivre ça. Peut-être s'y intéresser plus, puis à ce moment-là, peut-être même rester un vendredi, de dire, bon, je descendrai après le match, au lieu de partir à midi, je partirai à 22h le soir. Peut-être que c'est ce qu'on va voir. Donc oui, je pense que ça peut servir à la cause de l'équipe. Génial, génial. Donc le prochain match qu'on peut vous suivre sur Patriotes.tv, c'est quand? écoute, je pense que c'est le 19, si je me trompe pas. Pas vendredi que ça revient, l'autre. L'autre? C'est le 19. Par contre, j'ai pas l'adversaire. Tu m'as un peu surpris avec cette question-là. Tricot. C'est vendredi dans deux semaines. En fait, je pense que t'as surpris en général, de toute façon, ce matin. Comment? Ben, je l'avais un peu informé. Ah ouais, OK, ah bon. Au moins. Donc, Nicolas Ducharme, écoute, merci beaucoup. S'il y a d'autres choses, en fait, on ne se gêne pas. Hein? Je parle bien, là, on se gêne pas. Donc, Bah, on ne gêne pas à t'appeler, maintenant. C'est ouais, ça, exact. Nicolas Ducharme, merci beaucoup. Ouais, merci. À un plaisir. À la prochaine. Bonne journée. Au revoir. Ah, ah, ah, Nicolas Ducharme, qu'on connaît ici, qu'on adore depuis des années, qui fait un travail sans reproche. Ah, il est bon, on l'aime bien. Il est excellent, Nicolas Ducharme. On écoute Kid Kuna avec sa pièce Tic Tac, et après ça, on revient avec C'est un fait. Restez là. En Irak, en Égypte, en Syrie, en Somalie, partout, on s'aime à la folie. Vive le Tic Tac, Tic Tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on s'aime à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on s'aime à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on s'aime à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, toujours plus fort, toujours plus vite. On se dévore, on se craque, on se crie. De Keith Kuna à Assemblage Requis. François-Olivier. Mathieu Plante. Tout à l'heure, là, je te regarde tout à l'heure dans un petit fin finot. Qu'est-ce que tu veux? Qui aime ça, dire au monde, moi je suis tout. Moi je suis au courant. Je suis au courant. Ben, la source de tes informations, ouais. Ben, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Commençons en sport un peu. Savais-tu que les frisbees... Les frisbees? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les frisbees? Au départ, ça s'appelait des Pluto Platters, donc les assiettes ou les cercles, les cerceaux autour de Pluton. Des planètes. Des planètes, exactement. Donc, Pluto Platters. Oscar Swan, S-W-A-H-N, est la plus vieille personne à avoir gagné une médaille olympique. Le Suédois a gagné la médaille d'argent pour le tir, tu sais, le shooting, le tir, ouais, OK. Puis jouant d'argile, sûrement, ces affaires-là. En 1920, il avait 72 ans. Imagine quel âge caster. Ouais. Sans arrêt. Avant 1800, ça existait... non, attends, celui-là, je l'ai gardé pour la fin. Pourquoi tu me laisses ça au milieu? Non, je le garde pour la fin, j'ai une tonne qui va aller. animaux maintenant, deux chiens ont été pendus pour sorcellerie lors des procès de Salem. Okay. Là, la chasse aux sorcières. C'est ça. Pourquoi ils sont tous mélangés, mes faits? Je ne sais pas. J'ai tout classé en ordre. C'est le fun. Sport, encore. Donc, le GUTS, G-U-T-S, c'est un jeu où deux équipes lancent un frisbee, OK, de l'un à l'autre, OK, à de hautes vélocités, en espérant que l'autre équipe ne l'attrape pas. Ils se lancent le frisbee, tu sais, super rapide. Intéressant. Là, je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres sports plus tard. Il y en a d'autres. NASCAR est le sport à spectateurs le plus populaire aux États-Unis. NASCAR, c'est diffusé aussi dans 150 pays. OK. 150 pays. Pourtant, quand même, NASCAR, hein? On s'entend que c'est plate. Là. Les gens regardent ça pour les accidents. Bon, ouais. Clairement. OK, on va y aller avec des animaux si c'est ce que j'ai devant moi. Un cœur de girafe peut peser jusqu'à 25 livres et faire plus de 2 pieds de long. Ils ont besoin d'un cœur fait solide pour pomper le sang dans leur long cou. Ouais, j'imagine. On s'attend à ça, mais quand même, 2 pieds, ouais. 25 livres. D'ailleurs, la girafe n'a pas de corde vocale. Elle communique en faisant vibrer l'air autour de son cou. OK. Oui, ben. Les cerfs... Qu'est-ce que t'as contre les cerfs, toi? Les singes, François. Les singes. Je les appelle les cerfs parce qu'ils me font penser à des cerfs. Donc, les singes capucins disent « Allô, bonjour » en se montrant l'engin. C'est comme ça qu'ils disent « Bonjour ». C'est sympathique. Ouais, c'est une belle façon. On pourrait s'en inspirer. Le ver de terre australien peut facilement pousser jusqu'à 10 pieds de long et faire un pouce d'épais. Un ver de terre australien. C'est bien. Je ne vais pas aller googler l'image de ça. Une certaine note musicale, et là, je ne l'ai pas avec moi, mais imaginez-vous. Une certaine note musicale peut exciter sexuellement les chats. Une note musicale. Et voilà, les chats sont tous autour. La plus petite publicité du monde a été écrite, dessinée sur la patte d'une abeille pour faire la promotion de l'édition millénaire du Guinness Book of World Records. Eh bien, tu auras la patte d'une abeille. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. En 1984, d'ailleurs, à l'opposé complètement, un fermier canadien a vendu des espaces publicitaires sur le côté de ses vaches. Sur le côté de ses vaches. Pour 500 $ par année. Tu sais, veux dire? Parce que les fermiers sont forts là-dessus, les publicités. Je sais pas si t'as déjà remarqué, souvent quand il y a une ferme ou une vieille. Mettre ça sur l'étable ou. Exactement, un gros panneau publicitaire pour Subway ou peu importe. Là. Donc, même chose pour une vache. Pourquoi pas? Une vache, ça se promène, ça fait que ta publicité est comme ambulante, tu sais. C'est comme un homme sandwich, mais. Ouais, mais je sais pas. En fait, là, tu passes vite devant, tu regardes pas les vaches. Ouais, c'est ça. Je sais pas. T'es sans, par contre? Non, mais c'est. J'allais dire. C'est comme un homme sandwich, sauf qu'à la place, c'est une vache burger. Les burgers sont faits. Les poissons peuvent. Comment t'appelles ça? Les poissons? Les poissons peuvent. Éternuer? Pas éternuer. Je sais pas. Non, mais c'est pas éternuer. L'autre, là, t'as le mot éternuer, puis t'as le mot aussi cough, là, tu sais. Tousser. Et voilà, merveilleux. Donc les poissons peuvent tousser. En 1493, Christophe Colomb pensait avoir vu des sirènes. OK? Il a dit, je cite, « Elles sont pas aussi belles qu'on le pense parce qu'elles ont des faces d'hommes. » Tu sais, ils ont des corps de sirènes, mais des faces d'hommes. C'est moins attirant, ça. Ouais, un petit peu. Pas sûr d'aimer ça. L'odeur, et là, j'ai des mots en anglais à vous apprendre si jamais vous voulez montrer vos connaissances en anglais. Genre de Trois-Rivières, là, 2% de gens qui comprennent l'anglais ou quelque chose de genre, vous parlent anglais, c'est combien de pourcentage? Je sais pas. Bref, un très élevé pourcentage de gens ne parlent pas anglais. Donc, l'odeur qui accompagne une pluie. Tu sais, l'odeur de propreté, c'est une odeur plaisante qui accompagne la pluie lorsque ça tombe sur le sol. Ça a un nom, pétrichor. P-E-T-R-I-C-H-O-R. Pétrichor. Très bien. Et un autre mot, celui-là, je vais te le faire deviner, la dysanie. Je vais le traduire littéralement en anglais, c'est dysania. D-Y-S-A-N-I-A. Dysanie. Es-tu fanatique d'eau filtrée trois fois? Non, c'est de la dysanie. Donc, la dysanie, c'est d'avoir la difficulté à se lever le matin, sortir du lit. Ouais. OK. Devine le seul état qui peut être tapé sur une rangée de claviers, juste une rangée de claviers. Nomme-moi l'état. Américain. En anglais? En anglais. Ah, ouais. Un état américain. C'est un nom assez qui est bon en anglais et en français dans ce cas-là. Ça peut te donner un indice. Alabama? Non. T'es proche, par contre. Ouais. Le début est bien bon. Bien bon. Alabama. Alabama. Non. C'est l'Alaska, François. Alaska. Alaska. C'est celui qu'on oublie, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ian Fleming a inventé le nom de James Bond. Il s'est basé sur un ornithologue. Fleming disait que c'était le nom le plus simple, le plus ennuyant et le plus pas original qu'il pouvait trouver. James Bond. OK. Le plus pas original. C'est une belle traduction. Les humains ont plus d'os dans leur corps que les chevaux. Donc 206 os versus 205. Eh bien. Ouais. Il y a le même nombre de gens sur Facebook aujourd'hui. OK. Il y avait de gens dans le monde entier en 1804. T'es-tu sérieux? Ouais. Mm-hmm. On a atteint les 7, les 1 milliard de, c'est ça, de gens sur Facebook actifs. Top. C'est quand même pas vrai. La vie moyenne, la durée de vie d'un site web est de 44 jours. C'est la même chose qu'une mouche commune, housefly. C'est vrai? Ouais. Il y a peut-être un lien à faire. Housefly, je sais pas si ce serait peut-être une bébé à fruits. Housefly, je sais pas. Mais en tout cas, un insecte. 44 jours. Maintenant, bloc vedette. Le père de Woody Harrelson, tu connais l'acteur Woody Harrelson? Zombieland, entre autres. Il joue dans plein. Il joue tout le temps le gars bizarre. Son père était un contract killer, donc un gars qu'on pouvait engager. Un tueur à gage, exactement. Pour aller tuer des gens. Savais-tu qu'Elvis est blond naturellement? Non. Elvis? Il faisait teindre ses cheveux noirs. Eh ben. Ah. Lorsque Jennifer Aniston avait 11 ans, une peinture qu'elle avait faite a été montrée au Metropolitan Museum of Art. Bravo. En 1978, le corps de Charlie Chaplin a été volé du cimetière. Son corps a été retrouvé et réenterré plus tard. Eh bien. Pink, la chanteuse Pink, a trouvé son nom dans le film Reservoir Dogs. Il y avait un personnage qui s'appelait Mr. Pink et toutes ses amies disaient qu'elle ressemblait. Hey, tu y ressembles. Ouais, quand elle était adolescente. Je sais pas si c'est un compliment envers le gars qui jouait Mr. Pink. Parce que je veux dire, Pink est quand même belle. Ouais. Mr. Pink, est-ce qu'il a l'air d'une fille? Je sais pas. Ah, c'est bizarre. D'ailleurs, son vrai nom à Pink, c'est Alicia Beth Moore. OK. Daniel Craig. Tu connais Daniel Craig, c'est le nouveau James Bond. Ouais, c'est vrai. C'est le premier acteur de James Bond à être né après le début de la série de James Bond. Oh, ouais. C'est quoi? Pourtant, il n'est pas jeune non plus, mais en tout cas... Mais ça date quand même. C'est ça, ça date. Zooey Deschanel. Tu l'aimes bien. Ah, je l'adore. Son nom s'écrit Z-O-O-E-Y. C'est une appellation assez difficile, assez bizarre. Donc, elle a été nommée en honneur du personnage dans le livre de J.D. Salinger, Franny and Zooey. Il y avait un personnage donc, qui s'appelait Zooey, Z-O-O-E-Y. Et là, on se retrouve avec des choses de sport, encore une fois. Bizarre, ça, à la fin. Okay. L'équipe perdante au Super Bowl reçoit une bague. Mais en fait, tout le monde reçoit une bague qui coûte la moitié de ce que coûte la bague de l'équipe gagnante. Okay. Ça, l'équipe gagnante reçoit des bagues, l'équipe perdante reçoit la moitié du prix. Et ne reçoit pas une demi-bague, au moins. Ou pas de bague du tout. C'est ça. Au départ, la nage synchronisée, ça avait un autre nom. Ça s'appelait le Water Ballet. Le ballet dans l'eau. Eh bien. Et c'était performé dans des lacs et des rivières, et non seulement des piscines. D'ailleurs, dans les premières compétitions officielles de nage synchronisée, seulement les hommes avaient le droit de compétitionner. Okay. Et au départ, au tout début du baseball, les joueurs n'utilisaient pas de gants et on attrapait les balles avec deux mains. Oh. Ça doit faire mal. Ça doit. on dit que ça ressemble un petit peu au cricket du Royaume-Uni. Et pour terminer, cette chronique, c'est un fait. Avant l'année 1800, François, ça n'existait pas des souliers gauche et des souliers droits. Ah non, c'était des souliers. Des fait. Souliers. Eh bien. Et en hommage à ça, voici Girl Nobody et Two Left Shoes. A keyboard and a chore to create our art, to love it, breathe it, and to flow right from the start. We pray for more, oh yes we do. You introduce me to the heads of me to you. What a strange time it was in a room. There was a sense of two left shoes. Inside us, cables and a mixing bowl. Record the part to see it, hear it, and to show people how. We pray for more, oh yes we do. You introduce me to the heads of me to you. What a strange time it was in our. care for her so much so we can put her under the blade. After death she leaves a mark of blood red. Une chanson d'enlèvement extraterrestre. Girl Nobody et Two Left Shoes à Assemblage Requis. C'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. Bonne émission qu'on a eue aujourd'hui, François. Grosse émission chargée, oui, tout on à fait. Ça. On va remercier tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui, entre autres Francis du Jardin Mécanique. Francis Gagnon, oui, tout à fait, qui du Jardin Mécanique, comme tu disais, qui est en spectacle ce soir à la salle Annalise Salard-Rousseau. Donc allez voir ça, ça va être fort intéressant. Exact. Ensuite, on a eu Maxime Tanguay, sa chronique C'est qui déjà ce Ben-là, j'en ai une idée. Oui. Michel Lebrun, sa chronique Panier à salade. Et exact. Puis, qui d'autre? Nicolas Ducharme. Nicolas Ducharme, oui, d'ailleurs, qui nous a parlé de Patriote.tv. Oui, allez-y, Patriote.tv. On se retrouve demain avec une autre édition de l'Assemblage requis entre 7h et 9h. On aura la chronique L'Index d'Algélie du Rocher. Jasmine Raymond-Dréville sera là pour sa chronique sur la GEQ. Maxime Bilodeau. Oui. Qui va nous parler de poids. Hein? De poids, l'obésité sous toutes ses coutures. De manière plus spécifique, il va faire un petit tour d'horizon sur la problématique et il va vous parler en long et en large de ses causes qu'on pourrait qualifier de moins connues, pour ne pas dire nouvelles. Le tout sur un ton détaché, pas accusateur ni réactionnaire et surtout informatif. Eh bien, ça va être bien fait, je suis certain. Ben, comme toujours, c'est Maxime Bilodeau demain matin. Restez sur nos ondes parce qu'à 11h, c'est Dîner de cons avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, la rediffusion écoutée de rock classique entre 13h et 16h. Puis Melon Miel et Chaud de Bruxelles, émission de variété. Et finalement, à 19h, c'est réanimation avec du métal et de l'horreur. On se quitte avec Gaslight Anthem. Yeah, la pièce 45. Bonne journée, François. Bonne journée, Mathieu. Bonne journée, les requins.